En Corée, la société de commerce Kumho a mis au monde un clarificateur de l'eau naturelle appelé Munso. Cet appareil pour produire de l'eau naturelle aseptique peut convertir de l'eau de rivière, de lac et de pluie en eau microbe moléculaire à 5 ou 6 degrés d'association sans recourir à la force motrice ni changer les compositions physiques et chimiques de l'eau à filtrer. Le taux d'élimination de bactéries dépassant 99,9%, cet appareil est fabriqué pour usage personnel, familial et collectif.